ghetto, le mal a été présent. Les enfants d'Israël qui aiment vraiment les droits. Jah nous a déposé tel des gardiens autour des murs de Babylone. Nous devons rester en paix alors que le mal est présent. La nuit comme le jour, Babylone, Rastafari. Les mènes avant les portes de Babylone, en préparant le chemin. Le chemin pour le peuple de Jah, Jamaïca, Rastafari. Combat les crimes de guerre, combat la guerre et le crime, combat la guerre et le crime. Et développe la droiture. Oh oh. Allez. Jah, Rastafari. Jah, Rastafari. Jah, Rastafari. Jah, Rastafari. Oui, les enfants d'Israël, Jah nous a déposé tel des gardiens autour des murs de Babylone. Nous ne devons jamais garder notre paix alors que nous sommes pénalisés. Post-humid alley on the street, 21 to know the red on white, I'm Rasta man. Many people see how many people are one Rasta man. Many people see how many people are one Rasta man. It's because of Babylonian situation. It's because of Babylonian situation. When I was a boy about year old, there was a certain Rasta man below all the children. And he treats us like a man. Even the little children that grow up in bone. They care of everyone and he gave a freedom to treat everyone with a special love. Many people see. I say, why am I the Rasta man? Soirée, bye bye. Que Jah vous bénisse, Rastafari man. Ça a été cool.